Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, retour sur la polémique autour de l'interdiction du spectacle Le Mur de l'humoriste Dieudonné au mois de janvier 2014 et retour plus généralement sur le cas Dieudonné. S'attaquer à l'humour en France, c'est aller au-devant d'une affaire très sensible dans ce pays attaché à la tradition du rire et de la dérision, en un mot commençant, la liberté d'expression. Et c'est ce modèle qui précisément fut la cible à Paris des attentats de 2015. Plus généralement, il existe une sorte de jurisprudence vis-à-vis de l'humour en France qui pourrait se résumer par la fameuse citation de Pierre Desproges qui disait, souvenez-vous, « On peut rire de tout mais pas avec n'importe qui ». Dans le cas de l'humoriste Dieudonné, le n'importe qui est devenu n'importe quoi et le rire de tout est devenu rire aux dépens de groupes sociaux et culturels. La décision d'interdire le spectacle de l'humoriste doit donc être interprétée comme une réponse légale et morale à la dérive d'un humoriste Dieudonné, en l'occurrence français d'origine camerounaise et bretonne, qui au fil du temps a fini par ne plus faire rire grand monde. Un individu que les Français ont longtemps considéré comme un antiraciste, mais qu'ils assimilent maintenant dans leur grande majorité à un antisémite. Comment Dieudonné en est-il arrivé à s'attirer les foudres de la République? Et comment, en l'espace de 20 ans, est-il devenu l'étendard d'une mouvance contestataire qui flirte avec l'idéologie de la haine? Dieudonné, de l'humour à la haine, précisément, c'est donc l'histoire que nous vous proposons de revivre aujourd'hui. Après le récit, nous recevrons deux invités. Laurent Geoffrin, directeur du journal Libération, notre partenaire, et l'humoriste Élise Moon, qui nous apportera son témoignage personnel et son regard sur le chemin emprunté par son ancien compère, Dieudonné. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec le journal Libération, préparée par Andrea Carra, avec le soutien des documentalistes de Radio France, attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Alexandre Bergel. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. J'aurais une question à vous poser, hein, c'est tout bête. Pourquoi vous êtes deux? On est plus drôle à deux? Parce qu'il y avait une troisième personne, mais on l'a éliminée. On l'a dévorée. Voilà. Lequel des deux est le plus drôle? J'aurais tendance à dire moi, ouais. Mais je ne serais pas objectif. Je sais que c'est de là, tu vas te dire. Je voudrais bien voir ça, tiens. Le bibi. Allez, le bibi. Si vous n'étiez pas ensemble, avec quel comique aimeriez-vous travailler? Toi, le petit, par exemple. Charles Pasqua. Élie et Dieudonné ensemble sur la scène, très efficace. La séquence que vous venez d'entendre date de plus de 20 ans. À cette époque, au début des années 90, le duo comique formé par ses deux potes de lycée, tout droit sortis des cafés-théâtres, est l'un des plus doués de sa génération. Rapidement repéré, Élie et Dieudonné occupent la scène, la vraie, le théâtre, ainsi que les plateaux télé. Cultivant un humour corrosif et provocateur, ils ne ratent pas une occasion de tourner leurs origines en dérision pour mieux dénoncer les problèmes liés au racisme et à l'intégration. Dieudonné l'Africain et Semoun le Juif font la part belle au multiculturel. Pourtant, malgré ce succès, les différences artistiques et financières finissent par avoir raison de la complicité entre les deux hommes âgés d'une trentaine d'années. Nous sommes alors en 1997 et chacun des deux protagonistes entame une carrière en solo et plus si affinité. C'est le cas pour Dieudonné qui s'investit activement dans la politique. On le retrouve ainsi quelques mois plus tard à Dreux, lors des législatives où il s'auto-déclare candidat anti-FN pour contrer les épouses Tirebois. Puis, dans le sillage de Coluche, il annonce en novembre 2000 son intention de se porter candidat pour la prochaine présidentielle afin de révéler, je le cite, le malaise des citoyens face au manque de crédit des hommes politiques. Au municipal de 2001, il retire sa liste pour favoriser la candidature socialiste. Soutenu par les Verts et par de nombreuses personnalités comme Guy Bedos, Dieudonné, fils d'un expert comptable camerounais et d'une mère sociologue bretonne, fascine l'électorat de gauche par son franc-parler contre le FN, comme lors de ses meetings avec son ami d'alors, Daniel Cohn-Bendit. Merci. Je vous présente, monsieur Dieudonné. Dieudonné. Pourquoi on ne fait pas ça à Dreux? Mais la résistance s'organise malheureusement d'un point reculé. Ah, d'accord. Tu sais, la population drouaise est utilisée un peu comme bouclier humain autour des intérêts d'un tout petit nombre d'individus. En fait, on prend le maquis, là. Nous prenons le maquis. Vous êtes des résistants. D'accord. Et d'ailleurs, il y a des listes résistées, là, de la région, des gens de Mantes-la-Jolie. Courage, Dany, faut se battre. On ne peut pas les laisser faire. En politique, il y a ceux qui concourent pour gagner et ceux qui trouvent une tribune pour exister. Dieudonné est de cela. Car si sur scène, il reste un humoriste, en coulisses, il se déplace dans une rutilante Mercedes et gère son entreprise comme un patron du CAC 40. Un opportunisme et un management qui lui sont souvent reprochés dans le milieu du spectacle. C'est la télé qui reste le lieu privilégié de l'humoriste. Publicité gratuite pour ses spectacles, lieu de provocation idéal pour toucher le plus de monde possible, on connaît la recette. Mais à force d'occuper le terrain, on finit par franchir les limites de l'humour et le risque de dévisser n'est jamais loin. C'est ainsi qu'en décembre 2003, Dieudonné commet son premier impair. Invité sur le plateau dont ne peut pas plaire à tout le monde, émission de Marc-Olivier Fogiel à l'époque sur France 3, il apparaît grimé en juif religieux, cagoule sur la tête, exécutant le salut nazi au cri de Israël. Ce soir-là, pour la première fois, il ne fait rire personne et crée au contraire un profond malaise, comme l'explique le présentateur de l'émission joint au téléphone par France Inter. Toujours est-il que voilà, il est arrivé comme ça à l'antenne, qu'il est parti dans une sorte d'improvisation, puisque paraît-il, il a écrit cette forme d'édito 2 minutes avant, et que si les téléspectateurs, en tout cas un certain nombre d'entre eux, ont été choqués, j'étais le premier choqué, et je regrette également autre chose, d'avoir réagi à l'antenne, je l'ai fait, j'ai parlé de dérapage, j'ai parlé de borderline, mais peut-être pas assez nettement et peut-être pas assez rapidement, puisque j'ai du mal à comprendre ce qu'il voulait dire, puisque je pense que lui-même, en tout cas je le souhaite, comprenait pas très bien ce qu'il disait, il est parti dans une sorte de dérapage incontrôlé, et il a pris le mur, et il m'a embarqué avec. Dérapage pour certains, erreur d'interprétation pour d'autres, ce passage sur le plateau dont ne peut pas plaire à tout le monde marque indubitablement un tournant dans la carrière et la vie de l'humoriste qui, depuis 6 ans et sa rupture avec Elise Moon, a viré de bord. Car désormais, les gens doutent. Quel homme et quelle pensée se cache derrière le personnage de Dieudonné? Est-il toujours cet homme de gauche qui combat le FN? D'autant que l'humoriste se livre, dans les années qui suivent, à de nouvelles frasques sur la scène publique. Des échauffourées, des convocations au tribunal et des dérapages de plus en plus fréquents relancent la polémique. Et puis il y a la création d'un parti politique anti-sioniste ou encore le rapprochement avec le Front National, celui-là même qu'il combattait aux côtés de la gauche à Dreux 10 ans plus tôt. Point d'orgue de cette provocation obsessionnelle, Dieudonné fera de Jean-Marie Le Pen le parrain de sa 4e fille. Nous sommes alors en 2006 et la surenchère continue. En décembre de la même année, au Zénith de Paris, devant plus de 10 000 personnes, Dieudonné accueille sur scène le négationniste français Robert Forisson, un homme plusieurs fois condamné pour ses thèses niant la Shoah. Sous les yeux du public, il lui fait remettre le prix de l'infréquentabilité et de l'insolence par l'un de ses assistants déguisés en déportés juifs. Pour SOS Racisme, c'en est trop. Et c'est bien ce qu'exprime clairement son président Dominique Sopo sur France Inter. On voit bien tout de même que ce qui est tenté par Dieudonné, c'est quand même, quelque part, d'attiser la haine envers le juif, dans la mesure où il y a une sorte de renversement d'une charge émotionnelle consistant à faire croire que l'on pourrait rire, voire plus, de la déportation, de la Shoah, que l'on pourrait donner une sorte de crédit à ceux qui viennent nier la réalité même de la Shoah, puisque une ovation est faite à Forisson, dont je rappelle qu'il est un antisémite pathologique et obsessionnel. Et donc, de ce point de vue-là, nous allons étudier si, effectivement, il y a possibilité de porter plainte pour incitation à la haine raciale. Dans la foulée, le parquet de Paris ouvre une information judiciaire pour contestation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. C'est le début de confrontations de plus en plus fréquentes entre Dieudonné et les juges qui le condamneront à 6 reprises pour divers délits. Entre-temps, l'humoriste continue d'écrire ses spectacles et surtout ses saillies politiques en compagnie d'Alain Soral, théoricien d'extrême droite notoirement antisémite, son nouveau maître à penser. Ou encore de Thierry Maison, un adepte de la théorie du complot, proche par ailleurs du Hezbollah. Fin 2013, Dieudonné devenu en l'espace de 20 ans l'étendard d'une mouvance contestataire qui flirte avec la haine, l'antisémitisme et dont les idéaux sont proches, voire partagés avec l'extrême droite. Pourtant, rien, ou plutôt personne, pas même la justice, ne semble pouvoir arrêter la dérive de l'humoriste qui va toujours plus loin dans sa provocation. C'est dans ce contexte qu'intervient l'affaire du spectacle Le Mur, sorte d'acmé des dérives de l'humoriste. Moi, tu vois, quand je t'entends parler de Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz. L'indignation de Manuel Valls est partie d'un reportage diffusé sur France 2 dans lequel on entendait Dieudonné dire « Quand j'entends parler Patrick Cohen, je me dis les chambres à gaz, dommage ». Les spectacles du comédien Dieudonné seront-ils bientôt interdits? C'est le souhait exprimé par le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Manuel Valls évoque des risques de troubles à l'ordre public. Il ne s'agit pas d'une polémique. Les mots qui sont utilisés par M. Dieudonné Mbala sont des mots de haine. Propos antisémites pour certains, simple provocation pour d'autres. En tout cas, pas de quoi interdire le spectacle selon l'avocat de Dieudonné, qui dénonce un fait du prince. C'est ça, être en démocratie en réalité, c'est de respecter, de pouvoir apprécier Dieudonné. Autrement, on est en dictature. Ne confondons pas tout. La liberté, ce n'est pas l'inverse de la loi, au contraire. Christiane Taubira répète souvent, les mots sont des événements. Elle a raison. Jeudi 19 décembre 2013, France 2 diffuse un nouveau numéro de son magazine d'investigation complément d'enquête. Intitulé « Médias, la dictature du rire », ce documentaire s'intéresse à l'humour sous toutes ses formes dans notre société. Après une première enquête sur le rire et le monde politique, Benoît Duquesne invite les spectateurs à suivre un second reportage, consacré cette fois à Dieudonné. Grâce à un enregistrement réalisé en caméra cachée, les journalistes de France Télévisions diffusent des extraits du dernier spectacle de l'humoriste intitulé « Le Mur ». Une représentation jouée le soir, trois fois par semaine depuis l'automne au Théâtre de la Main d'Or dans le 11e arrondissement de Paris. Minute après minute, 2 millions de Français découvrent les images de Dieudonné sur scène. On entend l'ancien partenaire d'Élysée Moon se lancer dans une virulente diatribe contre les responsables politiques. Bon, ça c'est la fonction de l'humour. Sauf qu'au détour d'une phrase, il s'en prend violemment à la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Christiane Taubira, qu'il qualifie de chétin en référence au chimpanzé Tarzan. À un autre moment du spectacle, on entend Dieudonné déclarer « Tu vois lui, s'il m'en tourne, je suis pas sûr qu'il ait le temps de faire sa valise. Quand j'entends parler Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz, dommage. » Le public venu assister à son spectacle est hilar. Sur les réseaux sociaux, le reportage est largement commenté. Et très vite, on distingue deux camps. Ceux qui rient et ceux qui ne rient pas. Les seconds étant plus nombreux que les premiers. Mais ce qui retient l'attention, encore une fois, c'est ce clivage entre d'un côté les anti-Dieudonné, pour qui l'humoriste endosse une fois de plus les traits d'un personnage antisémite, et de l'autre, les pro-Dieudonné, qui le défendent, brandissant l'argument indéboulonnable de la liberté d'expression et le fait de pouvoir rire de tout. Le lendemain matin, vendredi 20 décembre, à la veille des vacances de fin d'année, Radio France annonce par la voix de son avocat qu'elle porte plainte contre l'humoriste après les propos tenus à l'encontre de son journaliste Patrick Cohen. Dieudonné et son clan, que les convocations judiciaires grises et électrisent, se retrouvent de nouveau à la une de l'actualité. L'humoriste, lui, réussit une fois de plus à faire parler de lui. Mais la partie n'est pas terminée, et c'est du côté de la place Beauvau que l'offensive arrive. Le comportement de Dieudonné irrite déjà depuis plusieurs mois le ministre de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls, qui décide d'agir. My people. Dark brown shade of my skin, only hard color to my tears that splash against my hollow bones, that rocks my soul. Looking back over my past dreams that I once knew, wondering why my dreams never came true. Oh, somebody tell me, what can I do? Ah, yeah. Something is holding me back. Holding me back. Is it because I'm black? Yeah. reason to get off the city. Mama, she works so hard to earn every penny. Something is holding me back. Holding me back. Is it because I'm black? Is it because I'm black? Yeah. Something is holding me back. Is it because I'm black? Yeah. Tell me, is it because of my color? Something is holding me back. Like a child stealing his first piece of candy, got caught. Wandering round life's corner, somewhere I got lost. Something is holding me back. Is it because I'm black? I wanna know, I wanna know. Journal Estelle Schmitt, bonjour. Bonjour à tous. Faut-il interdire les spectacles de Dieudonné? C'est la délicate question du moment à laquelle Manuel Valls répond oui pour atteinte à l'ordre public. D'autres dénoncent une atteinte à la liberté d'expression. France Inter. Samedi 28 décembre 2013, une semaine après la diffusion du magazine Complément d'enquête, à la suite judiciaire s'ajoute une suite politique. Dans un entretien accordé aux Parisiens, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, souligne sa détermination à faire cesser le petit jeu nauséabond de Dieudonné. Je reprends ses mots. Et il insiste. Il faut casser cette mécanique de haine, dit-il, tout en précisant qu'il ne veut écarter aucune possibilité, y compris un durcissement de la loi. Dieudonné est antisémite et raciste, martèle le ministre, qui espère que l'interdiction de ces spectacles interviendra dans les prochaines semaines. Et malgré cet effet d'annonce, le soir même au théâtre de la Main d'Or, à Paris, repère de la Dieudosphère, Dieudonné bel et bien là. Et il se produit une fois de plus à guichet fermé. De nombreux fans de l'humoriste s'indignent, ils dénoncent la censure. Présent à la Main d'Or, le reporter de France Inter, Philippe Randé, raconte. Devant le théâtre de la Main d'Or, sur le trottoir, la file d'attente s'étend sur plusieurs dizaines de mètres. Comme tous les vendredis soirs, Dieudonné propose deux spectacles d'affilée, deux spectacles archi-complets. Du coup, pendant que certains patientent sous la pluie, les autres sortent de la première représentation et tous le disent aux médias. Oui, Dieudonné a fait de l'humour autour de Manuel Valls, mais on n'en saura pas plus. Et la grande majorité du public pense que malgré ses condamnations, malgré le ministère de l'Intérieur, Dieudo, comme il l'appelle, doit pouvoir continuer à donner ses spectacles. Moi, je pense qu'on peut tout dire. Chacun paye pour aller voir le spectacle du Dieudonné. Plus les politiques continuent à s'en plaindre d'un phénomène, plus il aura de clients. Moi, ça me fait rire, l'outrance. Bon, il y en a que ça fait rire, il y en a que ça fait pas rire, mais je trouve ça légitime qu'il continue à s'exprimer. Au moins, voilà, on en parle. À quelques mètres de la sortie du théâtre de la Main d'Or, certains spectateurs sont, eux, un peu gênés par ce qu'ils appellent des dérapages. Moi, je pense qu'il faut faire gaffe, parce que les chambres à gaz, quand même, c'est très grave ce qui s'est passé. Donc, on peut pas parler de choses comme ça. Je viens pas voir Dieudonné pour ce qu'il pense. C'est vrai qu'il dépasse la limite. Il va un peu loin. Petit à petit, c'est vrai qu'il rentre plutôt dans la politique. Il y a des propos parfois, on sent un peu moins à l'aise, rigole moins ou moins, mais ça reste de l'humour. Et de nombreux fans le disent, si ces spectacles sur scène sont interdits, ils continueront à suivre Dieudonné sur Internet. Oui, Internet, car Car c'est précisément sur la toile que Dieudonné s'est vu le plus. Dans cette jungle numérique propice à tous les dérapages, il dépasse fréquemment les limites. Un mois plus tôt, fin novembre, déjà, il est copé en appel de 28 000 euros d'amende pour diffamation, injure et provocation à la haine et à la discrimination raciale. En cause, deux chansons diffusées sur Internet, dont une transformant la chanson d'Annie Cordy, Chaud Cacao, en Shoah Nana. En pleine fête de fin d'année, l'affaire Dieudonné alimente jour après jour la polémique et s'affiche à la une de la presse. D'autant qu'un nouvel événement va faire basculer cette affaire. En effet, en ces derniers jours de décembre 2013, alors que les Français se préparent à fêter le nouvel an, on apprend qu'à Lyon, les policiers ont interpellé 6 jeunes âgés de 18 à 22 ans et que ces derniers ont été mis en examen pour leur implication dans 2 expéditions punitives contre des personnes qu'elles accusent d'avoir fait sur Internet une quenelle. Oui, une quenelle. Un geste que le journaliste de France Inter, Rudy Guillemin, décrypte ici. Une main au niveau de l'épaule et le bras opposé tendu vers le bas. Au vu des photos qui circulent sur Internet, ils sont nombreux aujourd'hui à pratiquer la quenelle, soi-disant pour le fun. Des étudiants lors de soirées, des sportifs comme Tony Parker ou Teddy Riner, et même des enfants. Un geste dont la signification reste pourtant ambiguë, mais que l'humoriste revendique comme un acte d'insoumission. Elle est le chemin qui nous conduira vers la victoire. Soyez subversifs, glissez des quenelles, désobéissez. Faites chier ce système de merde. La quenelle, un geste laid et disgracieux au croisement du bras d'honneur et du salut nazi. Mais l'humoriste se défend de tout antisémitisme, arguant que la quenelle n'a pas d'autre signification que celle d'un bras d'honneur lancé contre une société de merde, qu'elle n'est qu'un geste simplement anti-système. Ce qui ne convainc pas grand monde et pour cause. On se souvient qu'en 2009, Dieudonné posait fièrement sur la fiche de sa candidature dite par lui-même antisioniste aux élections européennes en compagnie du théoricien d'extrême droite Alain Soral et que sur cette même affiche, il faisait déjà le geste de la quenelle. Le malaise est d'autant plus grand qu'on découvre avec stupéfaction l'existence de milliers de photos qui circulent librement sur Internet et dans lesquelles on voit des gens de tout âge et de toute origine esquisser ce geste de la quenelle devant des monuments ou des symboles juifs. Pour le directeur d'études au Conseil représentatif des institutions juives, Marc Nobel, c'est la preuve indéniable que c'est bien une idéologie de la haine qui s'exprime. Je vois là un mélange de bras d'honneur et de salut nazi inversé, mais vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Il n'empêche que lorsque des gens font ce bras d'honneur devant le mémorial de la Shoah à Berlin ou devant des synagogues, ils font la quenelle comme un geste de provocation. Vous ne pouvez voir là qu'un antisémitisme crasse, absolument immonde. Immonde, c'est aussi l'avis du gouvernement qui, par la voix de son ministre de l'Intérieur, Manuel Valls donc, monte au créneau pour faire interdire de droit de scène l'humoriste Dieudonné, personnage devenu aussi indésirable qu'indésiré. Et on va le voir. Confronté à l'efficacité toute relative des procédures classiques, les pouvoirs publics semblent cette fois déterminés à passer à la vitesse supérieure. Lundi 6 janvier 2014, place Beauvau. Manuel Valls veut en finir avec le cas Dieudonné, une affaire qui empoisonne depuis 2 semaines déjà le débat politique en France et qui fait la une des médias. Mais le ministre le sait, le temps joue contre lui, car la tournée de l'humoriste doit débuter dans 4 jours par un spectacle à Nantes. Alors, face à l'urgence de la situation, Manuel Valls fait rédiger une circulaire ministérielle qu'il envoie au préfet. Dans ce document de 3 pages, signé de sa main, le ministre leur recommande d'interdire toute représentation du spectacle de Dieudonné, le mur, afin, selon lui, d'éviter toute forme de trouble à l'ordre public. L'objet en première page de la circulaire laisse d'ailleurs peu de doute sur l'enjeu d'une telle mesure, puisqu'il est écrit en gras et caractère d'imprimerie qu'il s'agit de lutter contre le racisme et l'antisémitisme en France. Largement relayée dans la presse, la circulaire Valls fait polémique et nombreux sont ceux qui accusent le ministre de l'Intérieur d'instaurer en France une liberté d'interdiction plus grande que la liberté d'expression. En visite en Bretagne, Manuel Valls est violemment pris à partie par de nombreux passants qui lui reprochent son acharnement, comme ici, par ce jeune homme. Moi je trouve que le problème de la quenelle, ou le problème de Dieudonné, c'est un faux problème. Non. C'est un faux problème, pourquoi je vais vous... Monsieur, vous êtes exprimé, je crois avoir à peu près compris ce que vous avez en train de dire. Il n'y a qu'une seule règle qui doit prévenir. C'est que nous ne pouvons pas accepter les actes antiracistes, les actes antisémites, les actes anti-musulmans. Serai... Permettez, monsieur, oui. Les actes anti-musulmans. Mais il y a quelque chose qui, dans ce pays, est inacceptable, c'est la parole de haine. Parole de haine, comprenez ici celle de Dieudonné. Et pourtant, malgré la détermination du ministère, l'État se prend les pieds dans le tapis. car trois jours plus tard, un nouvel épisode judiciaire fait basculer cette affaire dans le rocambolesque. Jeudi 9 janvier 2013, tribunal de Nantes, il est midi et demi. Coup théâtre. Saisi en référé par les avocats de l'humoriste, le tribunal administratif de Nantes, après plus de 4 heures de débat, suspend l'arrêt du préfet de la Loire qui interdisait la représentation du spectacle de Dieudonné. Selon les magistrats, le spectacle ne peut pas être regardé comme ayant pour objet essentiel de porter atteinte à la dignité humaine. Bon. Mais, plus surprenant, le tribunal indique aussi qu'il n'est pas établi que le spectacle Le Mur soit construit autour de propos provoquants et choquants à l'égard de faits historiques, comme à l'encontre de personnes de la communauté juive. Allez comprendre. À la sortie, l'avocat de Dieudonné brandit fièrement l'arrêté devant les journalistes. C'est donc une victoire totale et complète en ce qui concerne Dieudonné Mbala Mbala, qui va donc pouvoir ce soir jouer son spectacle Le Mur. Aujourd'hui, c'est la consécration de la liberté d'expression, de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, de la liberté de réunion et de la liberté de travailler. Beaucoup pensent alors que Dieudonné a gagné au nom de la jurisprudence garantissant la sacro-sainte liberté d'expression et de réunion. Persuadé lui aussi d'avoir définitivement remporté la bataille sur le terrain juridique, l'humoriste nargue le ministre de l'Intérieur avec un message sur Twitter. Manu Lassantu, merci pour votre soutien. À ce soir au Zénith. Place Beauvau, Manuel Valls est furieux, on l'imagine aisément, lui qui semble si attaché à son image de fermeté que les Français aiment tant et dont il voudrait faire sa marque de fabrique. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur n'a pas encore dit son dernier mot et Dieudonné va le constater amèrement le soir même au Zénith de Nantes. Devant le Zénith, les fans ont préféré chanter l'hymne national, répondant ainsi à l'appel Facebook de Dieudonné. Pour maintenir les éventuels débordements, une vingtaine de cars de CRS étaient sur place, face à une foule où se mêlaient colère et déception. En colère. Bah parce que là, je suis venu voir un comique, moi, je suis venu, voilà, ni plus ni moins. Et là, de voir que c'est annulé, je trouve ça idiot. Idiot, idiot. Vers 22h, discrètement, Dieudonné s'est glissé dans sa limousine noire pour quitter les lieux. Des grilles closes, des cars de CRS, un humoriste obligé de quitter la salle de spectacle sans avoir pu se produire et des fans mécontents. C'est le résultat de la procédure en urgence engagée par Manuel Valls immédiatement après la décision du tribunal de Nantes dans l'après-midi. Le ministre de l'Intérieur a saisi le Conseil d'État pour contester le premier jugement. Et celui-ci rend une décision 3 heures plus tard, annulant l'ordonnance du tribunal de Nantes au motif que les propos antisémites de Dieudonné sont de nature à troubler l'ordre public. Dans les jours qui suivent, alors que le spectacle de Dieudonné est également annulé à Orléans et à Tours sur décision de justice, le jugement du Conseil d'État et la manière d'agir du ministre font débat. Pour l'opinion, dans sa majorité, Manuel Valls s'est lancé dans une vindicte personnelle en sacrifiant l'un des principes inaliénables de notre démocratie qu'est cette fameuse liberté d'expression. Dans la presse, de nombreux éditorialistes, au début favorables à ce passage en force du ministre de l'Intérieur, apparaissent désormais en retrait, jugent négativement cette jurisprudence Valls-Dieudonné. Pour la Ligue des droits de l'homme, l'humoriste qui ne méritait que silence et mépris tire un grand bénéfice de cette opération. Autrement dit, la fameuse tribune médiatique est pendant près de 2 semaines. De surcroît, dans le contexte de défiance vis-à-vis de la politique du gouvernement en général, des associations antiracistes craignent que cette affaire ne donne un élan de sympathie à Dieudonné, qu'on le considère comme une victime des coups de menton chers à Manuel Valls. Alors, pourquoi ne pas avoir tout simplement laissé la justice faire son travail? Pourquoi n'avoir pas simplement tenté de dénoncer le discours de l'humoriste, de le déconstruire, de faire acte de pédagogie en direction de ceux qui se sont laissés entraîner par ce discours? Toujours est-il que quelques semaines plus tard, alors que l'affaire semble s'étasser, Dieudonné se retrouve sous les projecteurs, cette fois pour des motifs financiers. On apprend en effet que celui qui dénonçait le système du tous pourri a refusé de payer ses impôts et organisé son insolvabilité auprès du Trésor public pour une ardoise de plus de 800 000 euros. Une affaire qui continuera de faire des vagues par la suite. Mais c'est au mois de janvier 2015, il y a tout juste un an, en pleine vague d'attentats terroristes à Paris, que Dieudonné se rappelait une nouvelle fois notre mauvais souvenir avec des mots aussi durs que cruels. Alors que la France entière s'émeut du drame qui touche Paris et que des millions de personnes se rassemblent, place de la République, sous la bannière « Je suis Charlie », il déclare sur Twitter « Je suis Charlie Koulibaly », du nom du terroriste auteur de la prise d'otage à l'hypercachère de la porte de Vincennes qui a tué, rappelons-le, 4 personnes et en a blessé 9 autres. Comme l'a dit très justement Rémi-Pierre Drey, avocat de l'association Avocats sans frontières, dans le jugement de cette dernière affaire, tout le monde n'a pas le talent de Coluche, qui lui respectait les communautés, ne les montait pas les unes contre les autres, comme le fait Dieudonné, à un moment précis, aurait-il pu ajouter, où la France meurtrie depuis un an a besoin de tout, sauf de ça. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Dieudonné de l'humour à la haine avec deux invités. Laurent Geoffrin, directeur du journal Libération, notre partenaire. Bonjour Laurent. Bonjour. Et l'humoriste Élie Semoun. Tout le monde se souvient, en effet, du duo Élie et Dieudonné. Bonjour Élie. Et surtout moi. Oui, bien sûr. Vous le disiez d'ailleurs dans le spectacle, dans l'extrait que nous avons diffusé. Mais tiens, on va commencer par vous, Élie, au début du récit. C'était les jours heureux hein, à cette époque. Dieudonné est porteur d'idées généreuses. Votre duo fonctionne bien. Il a un côté potache, ce qu'on attend de jeunes humoristes d'ailleurs. Vous êtes considéré comme, dans la presse, j'ai lu, voilà, le duo, là, des duos les plus doués de sa génération. Bien. Quel est votre sentiment quand on évoque cette période? Je suis d'accord avec cette phrase. C'est vrai qu'on était les plus doués de notre génération. Et qu'est-ce que ça vous évoque? Quel sentiment ça remue en vous? Bah, on était. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, on était un symbole de l'antiracisme par excellence. Et on jouait de ça. Alors, c'est vrai qu'au vu des événements, de ce qui s'est passé, c'est vrai que c'est surprenant le changement de Dieudo. D'abord, je tiens à dire que je suis pas là pour faire un procès à charge contre Dieudo. Moi, je veux me souvenir de l'artiste surtout. C'est celui que j'admire. Et, vous l'admirez encore? On est encore amis. Au risque de choquer certains, oui, on est encore amis. Il est venu voir mon spectacle, j'ai été voir le sien. Il semble assagi, Je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais en tout cas, il a des idées d'ouverture, de paix. Il voudrait qu'on remonte sur scène ensemble, etc. J'en suis pas encore là dans ma réflexion, mais en tout cas, j'ai du mal, disons, à... Je voudrais pas parler de l'homme politique, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un homme politique. Je sais même pas s'il maîtrise même tous ces sujets-là. Mais en tout cas, moi, je ne peux parler que de l'artiste. Oui, mais quand cette dérive a commencé, oui. Avec des faits qui sont vraiment choquants, qu'on a relatés, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous? Parce une trahison. Parce que, comme je vous l'ai dit au début de l'interview, on était anti-raciste, vraiment, à fond. Donc, je n'ai pas compris. Et puis, de toute façon, l'époque à laquelle on s'est séparés, ça commençait à m'emmerder parce que c'était trop politique. Il était obsédé par ces histoires de Front National, de Stirbois, de Dreux, etc. Mmh. Et je trouvais que c'était déjà, j'avais l'instinct que le mélange humour et politique était pas bon. Et surtout, ça correspondait pas au personnage que je connais, qui dénonce des choses qu'il pratique. Dernière chose pour ce chapitre-là, est-ce que vous avez le sentiment qu'il se sent isolé aujourd'hui, qu'il est allé trop loin, qu'il est mal dans ses baskets, quoi, en gros? Non. Je crois pas qu'il se sente isolé. Il a du succès, il en est fier. J'avoue que par défaitisme, j'ai rarement parlé de tout ça avec lui. Je lui en ai parlé évidemment à l'époque où Valls a fait interdire le mur. On s'est vu, on a passé 2 heures ensemble dans sa loge. Je lui ai dit tout ce que je pensais, mais ça n'a pas d'incidence sur lui. Ça glisse comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Donc. Je ne peux évidemment pas parler à sa place. Laurent Geoffrin, alors, il y a une dimension politique dans cette affaire. Est-ce qu'il fallait interdire le spectacle de Dieudonné? C'est une question de temps. Est-ce qu'il fallait l'interdire? Et après, est-ce qu'il fallait l'interdire de cette façon? Parce que c'est l'un des points importants quand même. Pour répondre, je vais dissiper une confusion que j'ai entendue dans les reportages que vous avez passés, notamment quand l'avocat de Dieudonné dit « Ah, si on interdit Dieudonné, on n'est plus en démocratie, on est en dictature. » Oui, bah ça, effectivement. Il faudrait quand même que les gens comprennent, ils le savent d'ailleurs beaucoup, mais souvent, on fait semblant de pas le savoir, en démocratie, tout n'est pas libre. Pas vrai. On ne peut pas dire tout. On peut dire l'essentiel. On peut dire tout ce qui n'est pas interdit par la loi. Et c'est pas nouveau, ça date de la Déclaration des droits de l'homme. Nous vivons, c'est le préambule de la Constitution, donc c'est notre charte fondamentale. Et je lis l'article 11 de la Déclaration, je vais vous le lire, c'est très éclairant. « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. » Bon, d'accord. Voilà, la liberté. « Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas... déterminé par la loi. C'est ça la philosophie des choses. Donc, on est libre, en France, les gens qui disent, oui, on interdit telle chose en France, donc on n'est pas libre, on est libre. Simplement, il y a des exceptions qui sont déterminées à l'avance par la loi depuis au moins un siècle et demi. Et depuis un siècle et demi, il y a une jurisprudence. Alors, qu'est-ce qui est interdit? Je vais être précis, hein. Excusez-moi de vous faire un cours, mais... Non, mais il faut être précis, c'est bien. On est là pour ça. Qu'est-ce qui est interdit? C'est la diffamation. Ouais. On n'a pas le droit de dire Drouel est un escroc, j'ai pas le droit. D'accord. Pourtant, c'est vrai. Par exemple. Ah, ça, j'attendais celle-là. On pourrait discuter. Il faut que les auditeurs On n'a pas le droit de porter atteinte à la vie privée. Racontez tout ce que fait Drouel, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi. Dites donc. Pareil, j'ai des dossiers. On n'a pas le droit de faire appel à violence, au meurtre. Ouais. Troisième. Quatrième chose, on n'a pas le droit d'exprimer des opinions racistes. Ou antisémite. Voilà. C'est tout. Tout le reste est libre. Tout le reste est libre. Donc. Dieudonné se retrouve. Dieudonné, il rentre dans racisme, antisémitisme. Pour quiconque a lu un livre d'histoire, c'est évident. Hein, la quenelle, c'est un ersatz, c'est le cas de le dire, d'un salut nazi. Ouais. La propagande nazie, c'est interdit. Parce que c'est antisémite, c'est raciste, etc. De la même manière, quand vous faites monter Forisson sur scène, pour lui donner la parole, il y a une loi en France contre le négationnisme. Forisson est un des principaux négationnistes. Donc vous êtes susceptible de poursuite, en tout cas. Après, c'est un juge qui décide. C'est pas du tout arbitraire, cette affaire. Après, il y a des juges, ils discutent. D'ailleurs, à un moment, Dieudonné et ses avocats ont gagné devant certains juges. Puis après, ils ont perdu devant d'autres. Donc c'est pas fait de manière grossière. Hein. On discute. Ce qui est ambigu, c'est de passer par l'humour. Pour parler de tout ça. Oui, mais la quenelle, c'est pas... Où est l'humour? Ça fait pas forcément rire, exactement. Où est l'humour? Ça fait pas forcément rire. Vous allez me dire, quand il dit Patrick Cohen, chambre à gaz, les gens rient. D'accord, mais ceux qui sont là, ils rient parce qu'ils sont antisémites. C'était le constat. Ce qui fait rire les antisémites, probablement, a des chances d'être antisémite. Surtout quand on met Cohen, qui est un patronyme juif, la plupart du temps, et puis chambre à gaz à côté. Là, tu dis, bah, vraiment, il n'y a pas de question, il n'y a même pas besoin de discuter. C'est une déclaration antisémite. Donc il est logique qu'elle soit interdite. Bien, ça c'est la réponse claire, précise. Excuse-moi d'avoir été un peu long, mais non, c'est pas long, on pense toujours que parce qu'il y a des choses interdites, on est en dictature. Non, il y a des choses interdites, et le reste est libre. Bien, donc c'est tout à fait clair. Maintenant, est-ce qu'il fallait l'interdire comme ça, en passant par le Conseil d'État, l'intervention de Manuel Valls? Alors là, ça... On peut discuter sur la procédure, est-ce que c'est le gouvernement de prendre les devants? Alors, le gouvernement, il a une responsabilité en matière d'ordre public aussi. Oui. S'il sait qu'un délit va se commettre, il doit intervenir. C'est son devoir. Donc s'il pense qu'effectivement il va y avoir un spectacle raciste ou antisémite, ça se discute. Est-ce que je dois laisser faire ce truc-là qui va donner lieu à manifestations plus ou moins publiques, en tout cas dans une salle de spectacle, où on va violer la loi consciemment? Donc est-ce que je dois faire ça? C'est pas du tout, vous voyez, on a dit, oui, mais Valls prend des libertés avec la loi, etc. Non, pas vraiment, parce qu'il a le devoir de faire ça aussi. Il a le devoir de prévenir les délits. S'il est au courant qu'il va y avoir un délit, il est obligé. Après, comme on est en démocratie, il y a des recours. Et il y a eu des recours. Parce qu'il y a eu les avocats de Dionnet ont fait recours. Ils ont cru gagner un moment, mais ils ont perdu ensuite. Il est logique qu'ils perdent, parce que quand on voit le spectacle, enfin, j'ai pas vu le spectacle, mais enfin, j'en ai vu des extraits assez longs, il n'y a pas de question de cette histoire de costumes de déportés, c'est obsessionnel, quoi. Les juifs, tout le temps, les juifs, bidule. On voit bien, le mec est antisémite, quoi. Moi, à un moment, il n'y a plus la peine de discuter. Donc, s'il est antisémite et qu'il s'exprime comme tel, c'est logique qu'il soit interdit. Avec une circonstance aggravante, c'est cette année 2015, quand même. C'est ce que je mettais en avant dans la conclusion. Les propos restent les propos et ils sont condamnables pour ce qu'ils sont. Mais dans une période comme ça, quand même, dans une France angoissée, fracturée. Il faut comprendre l'intention du législateur. Pourquoi ces législations ont été renforcées, notamment. On n'a pas le droit d'être négationniste. C'est parce qu'il y a eu la guerre. C'est tout simple. 6 millions de morts, des dizaines, centaines de milliers de gens déportés en France. Donc voilà, ça crée un précédent. Et les mots qu'on employait à l'époque, par exemple Brasillac, qui a été fusillé à la Libération, à la suite d'un procès. Hein. Ouais. Pourquoi il a été fusillé? Parce que dans son journal, il y avait une dénonciation nominale de familles juives. Celui-là, il dit qu'il s'appelle Dupont, il s'appelle Cohen, c'est pas vrai, machin. Et le type était arrêté après. Donc effectivement, je suis contre la peine de mort, c'est pas la question. Mais enfin, il a été condamné en tout cas. Acte de guerre, ouais. Voilà. Et donc, c'est ça la genèse de cette histoire. C'est ça, c'est que comme il y a eu ces exactions hallucinantes et ces crimes contre l'humanité entre 40 et 45, effectivement, la législation est un peu sourcilleuse. Oui. Les mots ont un sens. Élisée Boone, sur ce que vient de dire Laurent Geoffrin, et puis après on... Oui. Non, mais je ne peux qu'être d'accord avec vous. C'est vrai que les mots ont un sens et que je pense que... Pareil, je reprends mon costume d'humoriste. Mmh. Je pense pas qu'on puisse rire. Oh, je pense qu'on peut rire de tout, ça c'est sûr. Mais quand c'est teinté d'antisémitisme, ou en tout cas de racisme, c'est vrai que c'est assez inadmissible. On va revenir justement. Et c'est dommage de se servir de l'humour, comme je le disais tout à l'heure, pour faire passer ça. Je trouve que ma morale d'humoriste est choquée. Laurent, Geoffrin. Alors évidemment, les gens prennent l'exemple de Desproges. Oui. Qui faisait des blagues, je me souviens plus de tout, alors je sais pas citer. Là. Il rentrait. Quand il entre sur scène, il dit, il y a des juifs dans la salle. Il y a des juifs dans la salle, oui. Bon, alors évidemment, on pourrait dire, ça c'est vraiment de l'antisémitisme. Aujourd'hui, je suis pas sûr que ça passe, d'ailleurs, parce que les gens sont devenus plus sensibles à ça. En même temps, bon, on sait qui est Desproges. Il n'est pas antisémite. Il y en a une qui est assez drôle, je dois dire. Enfin, je vais me faire mal voir, mais les juifs n'ont pas toujours été aimables envers le Führer. Ça, c'est une phrase de Desproges. De Desproges. Bon, ça a l'air antisémite, mais on comprend bien, quand on analyse un peu la phrase, il dit le Führer, donc c'est comme s'il était nazi, on sait bien qu'il n'est pas nazi. Et deuxièmement, comme le Führer en question a fait tuer 6 millions de juifs, on comprend que les juifs disent du mal du Führer. Donc c'est absurde, quoi. Donc c'est drôle. Donc c'est licite. Enfin, c'est difficile d'attaquer ça devant un tribunal. On peut dire que c'est de mauvais goût, parce que ça, le Führer, ça c'est... Mais c'est une blague, on voit bien que c'est une blague. Mais si, Dieudonné, c'est pas ça du tout. Lui, il prend ça au sérieux. Ouais. Il n'aime pas les juifs du tout, il le dit par ailleurs. Enfin, on a tout un faisceau d'indices qui montrent qu'il est obsessionnellement antisémite. Alors justement, il se cache, ou il se réfugie derrière l'antisionisme. Alors l'antisionnisme, c'est ça, une idée politique. Attendez, là, l'antisionisme, c'est une idée politique. Oui. Il n'y a pas de délit d'opinion dans une démocratie. L'antisémitisme, c'est un délit. Hein. L'antisémitisme, ça attaque. C'est différent. Non, mais c'est attaque des gens en raison de leur origine ethnique. Oui, parce qu'ils sont religieux. Des gens. Dans l'essence, les gens. Par exemple, on peut dire, dans la Bible, il n'y a que des conneries. On a le droit de dire ça. C'est pas forcément vrai, je dis pas ça, mais on a le droit de dire ça. On a le droit de dire l'évangile, une vaste blague, etc. On peut attaquer la religion. On peut caricaturer le prophète Mahomet, qui est mort depuis je sais pas combien de temps, et donc, bon, c'est une attaque contre la religion. On n'a pas le droit d'attaquer les hommes. Oui. Ou les femmes. Pour leur religion ou leur origine. Donc c'est ça la distinction. Les gens comprennent pas bien aussi. Oui, mais alors quoi, on attaque l'islam, donc on attaque les juifs. Non, c'est pas pareil. Si vous attaquez les musulmans, vous êtes condamné. Si vous attaquez l'islam, non. Vous voyez. Et donc il y a toujours une confusion comme ça. C'est fait sérieusement ces choses-là. Ouais. Il y a une jurisprudence. Vous avez des juges qui se réunissent, qui discutent, où est-ce que le texte est bien interprété, pas bien interprété, etc. Laurent Geoffrin, vous connaissez Sages comme des sauvages ? On va écouter Les Jeunes des Villes en 2013. Du cas de donner la lumière, c'est chose dire. La question que je vous pose, Elise Moon, et que je vous poserai aussi, Laurent Geoffrin, quelle est la place de l'humour? Oh non, Geoffrin est trop bavard. Quelle est la place de l'humour? Et puis en plus, il n'est pas drôle, vraiment. Bon, si vous voulez bien écouter ma question, faites comme chez vous. Mais enfin, si je peux intervenir, c'est bien aussi. Écoutez, monsieur Drouel, vraiment, vous nous fatiguez. Quoi. Quelle est la place de l'humour et doit être la place de l'humour? Je peux plus parler quand même. Bon, bah, écoutez, moi, je vais quitter le studio, on se retrouve à 16h. Non, parce qu'il parle une demi-heure et après, nous, on a tout. Donc, je vais essayer une troisième fois. Quelle doit être la place de l'humour dans nos sociétés modernes, chère Elise Moon? Indispensable, la plus grande. Ouais. Mais pas trop quand même. Comment ça, pas trop quand même? Parce que est-ce qu'il y a pas en ce moment une tendance à donner finalement beaucoup de pouvoir aux humoristes qu'on entend partout, qu'on voit partout, à la télé, à la radio, qu'on lit dans les journaux, un peu comme on consulte les oracles, on va aussi consulter les humoristes quelque part? Oh, je suis pas sûr qu'on nous consulte, mais en tout cas, moi je sais, pour faire mon métier tous les soirs, que les gens semblent avoir besoin de nous. Pardon, ouais. Monsieur Drouel, mais ils semblent avoir besoin de nous. Et ouais. En tout cas, j'espère qu'ils ont, enfin, ils ont besoin en tout cas de fonds. Enfin, moi, c'est ce que j'espère. Alors vous avez vu mon spectacle, donc c'est pas prétentieux ce que je dis, mais je crois amener du fond et que j'ai l'impression, en tout cas, de continuer le travail qu'on avait commencé avec Dieudo, c'est-à-dire de parler de sujets de société. Et parfois, ça reste un spectacle d'humour, mais c'est presque politique, en fait. Puisque j'ai un sketch sur une mairie Front National. Gia.com aussi. Hein. Voilà, hashtag Gia, je veux devenir un martyr.com. Ouais. Un mec qui dit qu'il a tout lu, les bouquins, martyr à la plage, martyr va, prend l'avion, martyr va au musée, etc. Donc ça reste saignant et j'espère amener ce fond dont on a besoin et cette espèce de rire un peu libérateur. C'est une sorte de catharsis pour les gens de venir comme ça au spectacle. Moi j'ai la sensation, je parle pas de moi comme d'un héros, ni d'un libérateur. Mais c'est votre fonction. J'ai toujours pensé que c'était ma fonction et pour en revenir à Dieudo, c'était notre fonction à l'époque. On avait même une affiche où lui était déguisé en Ku Klux Klan et moi en nazi, où on se serrait la main avec un grand sourire. Voilà, c'était drôle. Moi, je trouve que c'est ça, l'humour. C'est ce que je continue à faire. Malheureusement, lui, il a dérivé vers la politique et vers... Autre chose, voilà. Laurent Geoffrin, la place de l'humour dans nos sociétés modernes. Effectivement, Elie Semoun a raison quand il dit que c'est un besoin et lui le voit tous les soirs. Il ressent ce besoin puisqu'il est sur scène. Quel est votre avis sur la place de l'humour? Oh bah, vous me posez une question un peu évidente. Oui. Donc je vous pose la question que je veux vous poser. Ça change, sur le plateau, là, je trouve que c'est... Mais moi j'adore rigoler, je suis un très bon public, dès qu'on fait une blague, oui, évidemment, c'est un besoin élémentaire. C'est une des bonnes choses de la vie, quoi. Pouvoir rire le plus possible, le plus souvent possible. La déclaration des droits de l'homme dit quelque chose là-dessus. et sur la place que tient l'humour... Le droit du rire, plus précisément, Laurent, sur la place que tient l'humour dans le débat public. Ça sert d'exutoire aux choses qu'on n'ose pas dire par ailleurs, et donc on les dit sous une forme drôle, comme ça, ça passe. Et d'ailleurs, moi, je trouve... On n'ose pas dire du mal des minorités, etc., alors, sauf à tomber sur le coup de la loi. Bon, ok. Vous avez exposé, invité, avec clarté. Mais pour le reste, oui, évidemment, parce qu'on est toujours un peu contraint, sérieux, etc. Geoffrin, puis Semoun, là. Hein? Bon, qu'est-ce que vous dites? Non, mais il y a Semoun, il est maltraité, voilà, par Drouel. Je me maltraite. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait de Dieudonné? Parce que Dieudonné, il continue à exercer son métier. Qu'est-ce qu'on met sous surveillance? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est peut-être pas fini non plus. Demandez à Semoun, il n'a rien dit. Non. Alors, moi, j'ai vu son spectacle, et je peux vous dire que il semble en paix, on va dire. C'est en tout cas ce qu'il dit dans son spectacle. Donc, j'ai été très très attentif, évidemment, à ce qu'il disait. Et il y a rien de raciste ou d'antisémite dans son spectacle. Mais moi, je connais mon Dieudo. Je sais que tout est ambigu avec lui. On sait jamais sur quel pied danser. Donc, mais pour l'instant, en tout cas, pour répondre à votre question et en tant que témoin de son spectacle, il y a rien de bizarre, d'étrange dans son spectacle, ça reste de l'humour. Attention, je ne suis pas son attaché de presse. Mais pour combien de temps? Est-ce que cette question peut être posée aussi? Ça, je ne sais pas. Vous qui le connaissez. Mais je ne sais pas, justement, avec Dieudo, on ne sait jamais. Donc, même quand il me propose de revenir, de remonter sur scène avec lui, mon cœur d'artiste bat. Quand il me dit ça, parce que je trouve que ce serait un événement génial, et ce serait même un symbole de paix. Mais au fond, je peux pas faire ça, parce qu'il a, je considère qu'il a été beaucoup trop loin. Merci, messieurs, merci, Laurent Geoffrin. Merci. Elie Semoun, au revoir, et à bientôt, Laurent Geoffrin, dans le cadre du partenariat Affaires Sensibles. Oui, moins, je promets. Libération, mais non, mais c'est très bien. Parce que là, ça, je trouve que c'est trop. Dis donc, mais ça, c'est fini, là. C'est insupportable. Au revoir. Allez, au revoir. Insupportable. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le cas Dieudonné, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.